8. Une mauvaise surprise m'attendait au retour. J'avais à peine pris congé de mes guides du désert et enfourché mon vélo dans l'intention de regagner le manoir qu'une silhouette courtaude s'avançait à ma rencontre. Avec un net déplaisir, j'ai reconnu Finchcolder et son expression bougonne. Il portait toujours les mêmes vêtements et n'était guère plus gracieux que la veille. Qu'est-ce que vous foutez avec ces oiseaux? M'a-t-il lancé en guise de salut. C'est de la graine de hacker, des fondus de la théorie du complot. Vous savez que l'un d'eux raconte partout qu'Elvis est un extraterrestre détenu dans une forteresse secrète de la CIA au pôle sud, en compagnie d'un célèbre cosmonaute américain qui s'est changé en homme-poisson dès son retour sur la Terre. Je suis fatigué, ai-je grogné. Laissez tomber. Pas question, a-t-il aboyé en me saisissant d'autorité par le bras. J'ai quelque chose à vous montrer qui vous convaincra enfin. Cela concerne votre mère. J'attendais cette preuve depuis longtemps. Je viens seulement de la réceptionner. Le courrier est capricieux dans cette région oubliée de Dieu. L'entendement bloqué sur les mots cela concerne votre mère, je l'ai suivi jusqu'à son bungalow. Le désordre de la pièce principale, noyé dans son éternelle odeur de mauvais café, m'a paru encore plus chaotique. Cela tenait au déballage d'enveloppes et de cartons jetés sur le sol. Finch avait débarrassé la table pour y étaler à loisir des photographies au format 40-50 dont le sujet me parut incompréhensible. Au premier regard, j'eus l'impression qu'il s'agissait de tableaux abstraits ou de volutes de fumée brassant des torrents d'étincelles. Vous voyez ça? A-t-il claironné. Ce sont les agrandissements d'une minuscule portion d'illustration peinte par votre mère. Ils ont été réalisés par un laboratoire spécialisé en macrophotographie qui d'habitude se consacre aux insectes et aux plantes. De quelle illustration parlez-vous? Ai-je demandé tout en pressentant à quoi il faisait allusion. À celle-ci, a-t-il énoncé en exhibant la photographie de la couverture représentant la femme au manteau de fourrure, le cou scié par le cordon rouge incrusté dans ses chairs. Je me suis appliquée à demeurer impassible, mais il n'a pas été dupe. Ce bouquin a une histoire intéressante, vous savez, a-t-il repris avec un mauvais sourire. Il s'intitule curieusement Dernière alarme, sans que le lecteur comprenne pourquoi. Mais c'est là un procédé courant chez Sawana. Ce n'est pas ce qui nous intéresse au premier chef. L'histoire a peu d'importance. Elle n'est somme toute que le prétexte permettant à l'auteur de décrire un assassinat par le menu durant 70 pages. La somme des détails pris en compte est prodigieuse et finit par flanquer le vertige. On n'arrive pas à déterminer si l'on assiste à un tour de force, un effet de style, un gag ou un compte-rendu clinique d'un meurtre vu par un assassin sous LSD. Car vous savez que l'acide lysergique provoque ce type d'hypervision. Sous l'effet de la drogue, l'œil enregistre des détails qu'il ne percevrait pas à l'état normal. D'accord, abrégeons, où voulez-vous en venir? Le bouquin raconte cet unique crime, c'est tout. Il n'y a pas d'enquête, pas de solution, rien. C'est comme un flash éblouissant qui nous fait entrer dans le cerveau d'un assassin. Une fois la femme au manteau de fourrure étranglée, le meurtrier s'en va. Point final. On ne saura jamais qui il était ni pourquoi il a tué cette malheureuse. C'est un drôle de roman qui fout mal à l'aise et transforme le lecteur en voyeur. Une sorte de branlette intellectuelle assez glauque. Mais le plus bizarre, c'est qu'il n'a pas été diffusé. Aucun libraire ne l'a reçu en dépôt. Jamais. Tous les exemplaires existants étaient encore à l'imprimerie quand Sawana a téléphoné à son éditeur pour exiger que le livre soit détruit sur le champ. Vous entendez bien, direct au pilon. Le vieux Lofson a failli en faire une crise cardiaque car ce coup d'épée dans l'eau représentait un sacré manque à gagner. D'un autre côté, Il ne pouvait pas courir le risque de mécontenter son auteur vedette, celui qui remplissait le tiroir-caisse. La mort dans l'âme, il a accepté. Selon les témoignages, il s'arrachait les cheveux et se cognait la tête contre les murs devant une telle perte sèche. Pourquoi n'a-t-il pas refusé? D'abord, il n'en avait pas le droit, légalement parlant. Ensuite, parce qu'il avait peur de Sawana, comme tous ceux qui la côtoyaient. Elle était imprévisible et avait la réputation d'exploser comme une bombe. Mieux valait ne pas compter au nombre de ses ennemis. Et ensuite, Sawana remboursait les frais d'impression et a supervisé elle-même la mise au pilon du roman. Elle voulait s'assurer que pas un n'en réchapperait. Oui, mais ça n'a pas fonctionné comme elle l'espérait. Certains ouvriers de l'imprimerie ont tout de suite pigé le parti qu'ils pouvaient en tirer. Ils ont réussi à mettre de côté quelques bouquins pour les vendre aux collectionneurs à des prix délirants. C'est pourquoi il n'existe plus aujourd'hui qu'une demi-douzaine d'exemplaires en circulation de par le vaste monde. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir que l'un de ses fans, Maboul, accepte qu'on photographie la couverture de son exemplaire personnel, estimé à 200 000 $, à la dernière vente aux enchères de Sotheby's. Et voilà le résultat. De l'index, il a tapoté l'un des clichés dont le sujet m'échappait toujours. Pourquoi Sawana a-t-elle interdit la diffusion de son bouquin? Ai-je insisté. Elle a manifestement craint que ça lui porte préjudice, mais en quoi? Je n'ai pas l'impression qu'elle se souciait de l'avis des critiques littéraires. Alors, elle aurait eu peur de dérouter son public habituel, de se l'aliéner? C'est ce qu'elle a prétendu par la suite, en effet, mais elle mentait. Il y avait une autre raison, beaucoup plus gênante. Jetez un coup d'œil là-dessus, et les croûtes vous tomberont des yeux. Il a ouvert un dossier de police, ancien, taché, pour en retirer un cliché de l'identité judiciaire représentant une scène de crime. J'ai cru encaisser un direct au froid. On y voyait une femme nue sous un manteau de fourrure, étendue en travers d'un tapis, non loin d'une table basse et d'une cheminée. Une cordelette rouge était nouée à son cou. Les chairs gonflées montrer que la mort remontait à plusieurs jours. Quant aux objets, bibelots et meubles qui l'entouraient, c'était exactement ceux peints par ma mère sur l'illustration de Dernière Alarme. La victime était une certaine Nathalie Welt, a murmuré Finch. Le corps a été découvert le 8 mai 1983 à Poughkeepsie, dans la banlieue chic de New York. On n'a jamais su pourquoi on l'avait tuée, ni qui était son assassin. Le médecin légiste a estimé que la mort était survenue 3 jours plus tôt, soit dans la matinée du 5 mai. Oui, et alors? Je suppose que Sawana a graissé la patte à l'un des techniciens du coroner pour obtenir un double des clichés et qu'elle a basé sa description sur ses documents. Ce ne serait pas la première fois qu'un photographe de l'identité judiciaire vendrait des pièces confidentielles à un journaliste. On appelle ça une fuite. Vous n'étiez pas au courant? Je l'admets, il y a toujours des fuites, mais dans le cas présent, il y a un os. Et c'est là que mes agrandissements entrent en scène. Regardez ça. Là, sur ce tirage grossi 50 fois, de la couverture peinte par votre mère, qu'est-ce que vous voyez? De mauvaise grâce, je me suis penchée sur le cliché. En plissant les yeux, j'ai déchiffré à l'intérieur de ce qui évoquait une moulure en feuilles d'acanthe la mention « Anne Katz, 5 mai 1983 ». Cela signifiait que ma mère avait peint la scène du meurtre le jour même où celui-ci avait eu lieu. À peine quelques heures après que Natalia Welt ait été étranglée. Vous pigez, a triomphé Finch. Le 5 mai, personne d'autre que l'assassin ne savait que Natalia Welt gisait dans son salon, un cordon de rideau rouge noué autour de la gorge. Seule Sawana Warlock était au courant, parce qu'elle était l'auteur de ce crime. Une fois en sécurité, elle s'est dépêchée d'appeler son illustratrice pour lui dicter ce qu'elle devait peindre. Il lui fallait le faire sans attendre, tant que les détails étaient encore nets dans son esprit. Je dois reconnaître qu'elle jouissait d'une mémoire visuelle exceptionnelle, presque eidétique. Ensuite, à peine le combiné raccroché, elle s'est attelée à la rédaction du roman. Elle avait la réputation d'écrire jusqu'à 40 pages par jour. Je suppose qu'elle a bouclé le premier jet en 72 heures pour profiter pleinement de l'état d'excitation dans lequel l'avait plongé le crime. L'estomanoui, je n'ai pas réussi à articuler le moindre mot. Le plan, a continué Finch, c'était d'utiliser le tumulte provoqué par la découverte du corps pour doper les ventes du bouquin. Toute la stratégie consistait à surfer sur les mois produits par ce crime mystérieux et croustillant. Pensez donc, la femme nue, le manteau de fourrure, le cordon rouge, une vraie mise en scène de cinéma. Presque un remake de la célèbre affaire du Dahlia. Si l'on s'était étonné de l'exactitude des descriptions et de l'illustration, Sawana aurait prétendu, comme vous le suggériez tout à l'heure, avoir eu accès aux photos officielles de la scène du crime. Cela suffisait, le tour était joué. On aurait pensé, sacrément débrouillarde cette Warlock, ça, c'est de l'auteur de polar. Mais un grain de sable s'est glissé dans la machine. La signature datée? Oui. Jusque-là, Sawana ne s'était jamais aperçue que votre mère signait et datait ses peintures. Non pas en bas et à droite comme la plupart des artistes, mais d'une écriture microscopique cachée dans la moulure d'un meuble le dessin d'une étoffe. C'est vrai qu'il faut avoir un œil de lynx pour s'en rendre compte, ou tomber dessus par hasard. Et je suppose que c'est ce qui s'est produit. Hélas, il était trop tard, le bouquin était déjà imprimé, prêt à déferler dans les librairies, à envahir les tourniquets des drugstores. Sawana a alors cédé à la panique. Il lui était désormais impossible de prétendre que l'illustration avait été réalisée après la découverte du meurtre et l'intervention de la police, puisqu'elle était datée du jour même de l'assassinat. Cela équivalait à un aveu. Laisser le roman être mis en vente, c'était courir le risque qu'un petit malin aboutisse aux mêmes conclusions. Vous pigez ? Sawana a donc décidé de pilonner le livre avant qu'il franchisse les portes de l'imprimerie. Et cela sous prétexte que ce texte ne lui plaisait plus et qu'elle craignait de dérouter ses fidèles lecteurs. Bla bla bla. Vous objecterez qu'elle aurait pu se contenter de procéder à un arrachage des couvertures et à leur remplacement. Mais personne n'aurait compris pourquoi, et cela n'aurait fait que focaliser l'attention des curieux sur la dite illustration. Non, la mise au pilon était la solution la plus sûre, aussi radicale qu'une amputation. Ce petit scandale n'a pas transpiré hors des limites du monde de l'édition, et le danger a semblé écarté, du moins momentanément. Pourquoi momentanément ? Parce que quelqu'un avait compris de quoi il retournait. L'illustratrice, Anne Katz. Je suppose qu'elle nourrissait des doutes depuis un moment, mais refusait d'y croire. Après tout, Sawana lui assurait de quoi vivre, et elle n'avait guère envie de voir cette manne se tarir. C'est humain. Là, toutefois, la vérité lui a sauté aux yeux. Elle a dû tomber sur un journal à sensation, relatant l'assassinat de Natalia Welt et voir, à la une, le cliché en partie censuré de la scène de crime. Il ne lui en a pas fallu davantage. Un simple coup d'œil au calendrier lui a permis de comprendre que le 5 mai, elle avait peint sur commande l'assassinat d'une femme dont le cadavre commençait tout juste à refroidir dans un appartement de la banlieue new-yorkaise. J'imagine que ça lui a flanqué un coup. À partir de là, ses rapports avec Sawana se sont dégradés. Une gêne s'est installée. Anne n'a pas vraiment réussi à donner le change et Sawana Warlock a fini par piger. Vous sous-entendez que... Oui. Sawana ne pouvait se permettre de laisser en vie un témoin aussi dangereux. Désormais, on a pratiquement la preuve que ce n'est pas votre père qui a assassiné Anne Katz. La tueuse, c'est Sawana Warlock. » Je me suis assise, les jambes molles, étonnée d'accueillir cette nouvelle avec autant d'émotion. Je n'arrivais pas à démêler si j'étais désolée pour ma mère ou soulagée de savoir mon père innocent d'un crime dont il était suspecté depuis plus de 10 ans. « Vous n'avez aucune certitude, » me suis-je entendu bredouiller d'une voix de petite fille. Finchcolder a haussé les épaules. « En ce qui concerne la mort de votre mère, non, » a-t-il admis. « Mais pour ce qui est de Natalia Welt, mon argumentation tient la route. Il serait d'ailleurs intéressant d'examiner toutes les illustrations signées Anne Katz pour y relever les dates où elles ont été peintes, puis d'entrer ces mêmes dates dans un ordinateur de la police pour voir si elles correspondent à des crimes demeurés sans solution. Il y en a 22. Vous pensez que Sawana aurait pu exécuter 22 personnes? Pourquoi pas? Le tableau de chasse de certains tueurs en série dépasse largement ce nombre. Le tour de force, c'est que Sawana a fait commerce de ces meurtres au nez à la barbe de la justice et avec la bénédiction du public qui en redemandait. On a toujours loué son souci du détail, son sens du réel, et pour cause. Il aurait été difficile d'être mieux renseigné. Vous comptez mettre cette recherche en branle? Vous rêvez? Si je vais voir mes anciens collègues avec une pareille théorie, on me décrétera fou allié et il se trouvera bien un juge pour m'expédier droit chez les dingues. Non, cette déduction, je me la garde pour moi. Ce sera ma petite victoire personnelle, celle qui me permettra, en regardant discourir les mecs du FBI à la télé, de penser « Pauvre con, si tu savais !» Et ça me réchauffera plus efficacement le cœur qu'un plein verre de whisky irlandais. Un retraité a toujours une revanche à prendre. N'oubliez jamais ça, vous qui êtes encore si jeune. Et joignant le geste à la parole, il entreprit de déboucher un flacon de l'alcool en question pour remplir 2 verres presque à ras-bord. Il était hilar, les yeux pétillants. Après avoir avalé une gorgée, il s'est quelque peu calmé. « Je déconne, » a-t-il confessé. « J'exagère. Vous savez, j'ai eu un coup de chance phénoménal en dénichant cette date sur la couverture de Dernière Alarme. C'est probablement la seule et unique illustration où l'on déchiffre nettement la signature de votre mère. Les 21 autres, dès qu'on essaie de les agrandir, deviennent floues. Cela tient au manque de précision du cliché originel. D'habitude, il est médiocre. On ne saura jamais pourquoi celui de Dernière Alarme était excellent. Peut-être parce qu'un stagiaire, ce jour-là, avait décidé de faire du zèle, ou que le photographe était moins ivre que d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, pour une fois, une seule, la reproduction a été digne d'un livre d'art. Cela n'a plus jamais été le cas par la suite. Les originaux sont conservés au manoir, ai-je fait observer. Je pourrais les examiner à la loupe. La signature et la date doivent y figurer lisiblement. Si on ne les a pas grattés, et cela m'étonnerait beaucoup. À la place de Sawana, après cette alerte, je me serais empressé de le faire. Jetez-y un coup d'œil, mais je pense que vous serez déçu. Je suis restée muette, tournant et retournant dans ma tête que ma mère avait sans doute collaboré durant toutes ces années avec une tueuse en série dont elle était devenue l'iconographe attitrée. Cela faisait froid dans le dos. Cette Natalia Weld, ai-je fini par murmurer. Que sait-on d'elle? Pas grand-chose. C'était une call girl de luxe, indépendante, travaillant pour une clientèle sélectionnée, principalement des hommes d'affaires en transit. Difficile de déterminer pourquoi Sawana s'est attaquée à elle. Peut-être justement parce qu'elle n'avait aucune raison de le faire, aucun lien, aucun mobile évident. Il était plus sûr pour elle de choisir ses victimes au hasard, d'étudier leurs comportements, leurs habitudes, leurs horaires. C'est sans doute là qu'il faut voir la raison de ses absences inexplicables. Elle partait étudier son gibier, et le terrain sur lequel elle comptait le chasser. Je pense qu'elle avait besoin de cette excitation pour écrire. Le crime l'emplissait d'une énergie formidable, qu'elle déversait ensuite dans ses bouquins.